إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إننا في زمن كثر فيه الفتن serviteurs d'Allah, nous vivons à une époque où les troubles deviennent de plus en plus nombreux. قدم فيه كثير من الناس مصالحهم الدنيوية على مصالحهم الدينية. Dans cette époque, beaucoup de gens font prévaloir leurs intérêts mondains à leurs intérêts religieux. نحن في زمن عبد فيه الدينار والدرهم. Nous sommes à une époque où sont adorés le dinar et le dirham, l'argent que possèdent les gens. زمن تعلقت النفوس وتعلقت نفوس كثير من الناس بهذه الدنيا الفانية. Une époque où les âmes de beaucoup de gens se sont accrochées à ce monde, ce bas monde, qui est un monde éphémère. زمن نسي فيه كثير من الناس أنهم إلى ربهم راجعون. Une époque où beaucoup de gens ont oublié qu'ils reviendront à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ الْفِتَنِ يَا عِبَادَ اللَّهِ. Et parmi les troubles les plus durs et les plus difficiles, serviteurs d'Allah, أَنْ يُفْتَنَ الْمَرْءُ حَتَّى يَجْعَلَ هَذِهِ الدُّنْيَا هِيَ الْغَايَةُ. Que l'homme soit éprouvé au point de faire de ce bas monde son objectif. وَيَنْسَى سَبَبَ وُجُودِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Et il oublie la raison de sa présence dans ce bas monde. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et Allah سبحانه وتعالى dit dans son noble livre, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. لهذا خلقت يا عبد الله. C'est pour cela que tu as été créé, ô serviteur d'Allah. لم تخلق لتجري وراها هذه الدنيا. Tu n'as pas été créé pour courir derrière les biens de ce bas monde. لم تخلق لتجمع الأموال. Tu n'as pas été créé pour réunir des biens. أو لتبني الديار. Ou pour construire des maisons. لم تخلق لهذه الأمور. Tu n'as pas été créé pour ces choses-là. إنما خلقت لعبادة الله وحده لا شريك له. Tu n'as été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. ولا سعادة في هذه الدنيا ولا سعادة في الآخرة إلا لمن يسعى لتحقيق هذه الغاية. Il n'y aura pas de bonheur ici-bas ni de bonheur dans l'au-delà si ce n'est pour celui qui fait des efforts pour concrétiser cet objectif. عبادة الله وحده لا شريك له. L'adoration d'Allah seul sans associé. أما السعادة النسبية. Quant au bonheur relatif, اللذة التي تجدها عند اتباع شهواتك فهذه اللذة مؤقتة. Quant au plaisir ou au bonheur relatif que tu vas ressentir lorsque tu suis tes passions et lorsque tu suis tes désirs, alors ce plaisir est un plaisir temporaire. وسرعان ما ينتهي. Et rapidement il se termine. فعباد الله عليكم أن تتدبروا كتاب ربكم والله سبحانه وتعالى حذركم من ذلك. Vous devez méditer le livre de votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala vous a averti contre cela. قال في كتابه الكريم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Allah subhanahu wa ta'ala vous a averti contre cela. Ne lisez-vous pas son livre lorsqu'il dit selon le sens, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. يعني اشتغلتم بالدنيا واشتغلتم بالسعي وراء جمع المال حتى دخلتم في قبوركم. Vous êtes occupés par ce bas monde et vous avez couru derrière les biens jusqu'à rentrer dans vos tombes. ولما ستدفن يا عبد الله ولما سيرمي أهلك وأصدقاؤك التراب على جسمك ستعلم علم اليقين قيمة هذه الدنيا. Lorsque l'on va t'enterrer et lorsque ta famille et tes proches vont jeter de la terre sur ton corps, tu sauras à ce moment-là avec certitude quelle est la valeur de ce bas monde. ستعلم علم اليقين قيمة هذه الدنيا. Tu sauras avec certitude la valeur de ce bas monde. وأنت في هذه الحفرة المظلمة. Et tu seras dans ce trou obscur. وحدك دون مالك ودون أهلك. Tu seras seul, sans tes biens derrière lesquels tu as couru et sans ta famille. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit trois choses suivent le mort. يرجع اثنان ويبقى واحد. Deux choses repartent et une seule reste. يتبع الميت أهله وماله وعمله. Le mort se fait suivre par sa famille, ses biens et ses œuvres. يرجع أهله وماله. Sa famille et ses biens repartent. ويبقى عمله. Et ses œuvres restent. متفق عليه. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. رحمهم الله تعالى. يا عبد الله. هذا المال الذي تعبت لأجله وتعبت لجمعه لن يبقى معك في قبرك. Cet argent derrière lequel tu as couru et pour lequel tu t'es fatigué pour le réunir, il ne sera pas avec toi dans ta tombe. إنما يكون معك عملك من خير أو من شر. Seuls seront avec toi dans ta tombe tes œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. تذكر هذا الموقف. Pense à ce moment. Pense à ce moment pendant que tu es encore vivant. تذكر هذا الموقف وأنت حي. وتستطيع أن تصلح نفسك. Et tu peux encore te réformer. لا تظن أنك تنجو منه. Ne pense pas que tu échapperas à ce moment. والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. Allah سبحانه وتعالى a certes dit chaque âme goûtera la mort. وهذه حقيقة الدنيا إلى الزوال. Ceci est la réalité de ce bas monde qui est voué à disparaître. كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera la mort. هل تستطيع أن تدفع هذا الأمر حين سينزل عليك. Est-ce que tu peux repousser ce moment lorsqu'il viendra sur toi. هل تستطيع أن تدفع الموت وهل تستطيع أن تدفع ملك الموت إذا نزل عليك. Est-ce que tu pourras repousser ce moment. Est-ce que tu pourras repousser l'ange de la mort lorsqu'il descendra sur toi? تذكر واعلم رحمك الله أنك على موعد مع ملك الموت. Pense à cela et rappelle-toi qu'Allah te fasse miséricorde que tu as rendez-vous avec l'ange de la mort. وأنت لا تدري تاريخ هذا الموعد ولا وقته. Et toi, tu ne sais pas quelle est la date de ce rendez-vous ni son heure. فاستعد لهذا الموعد. أحسن استعداد. Prépare-toi donc pour ce rendez-vous de la meilleure des manières. ولا تكون من الغافلين. Ne sois pas du nombre des insouciants. قد يكون اليوم وقد يكون غدا لا ندري. Il se peut que ce soit aujourd'hui. Il se peut que ce soit demain. Tu ne sais pas. لا ندري متى سنموت. فاسأل نفسك. كيف تريد أن تموت؟ Comment veux-tu mourir? هل تريد أن تموت على الطاعة؟ Est-ce que tu veux mourir dans l'obéissance à Allah? Ou هل تريد أن تموت على المعصية؟ Ou est-ce que tu veux mourir dans la désobéissance? هل تريد أن تموت في غفلة؟ Est-ce que tu veux mourir dans l'insouciance? Ou هل تريد أن تموت وأنت تذكر الله وتقول لا إله إلا الله؟ Est-ce que tu veux mourir dans l'insouciance ou est-ce que tu veux mourir en te rappelant d'Allah et en disant la ilaha illallah? كيف تريد أن تموت؟ تريد أن تموت وأنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى. Tu veux mourir alors que tu négliges le droit d'Allah سبحانه وتعالى. تريد أن تموت وأنت مضيع لصلواتك. Tu veux mourir alors que tu négliges tes prières. هل تريد أن تموت والدخان والخمر في يدك؟ Est-ce que tu veux mourir alors qu'une cigarette ou de l'alcool est dans tes mains? كيف تريد أن تموت؟ لا تدري تاريخ هذا الموعد. Tu ne connais pas la date de ce rendez-vous مع ملك الموت, avec l'ange de la mort. فاستعيد يا عبد الله, فاستعيد لهذا الموعد. Prépare-toi à ce rendez-vous. كلنا نريد حسن الخاتمة. Chacun d'entre nous souhaite avoir une bonne fin. ولكن كيف سيكون لنا حسن الخاتمة ونحن من الصباح إلى المساء في الذنوب والمعاصي؟ On veut tous une bonne fin, mais comment pouvons-nous avoir une bonne fin alors que du matin au soir nous sommes dans les péchés et la désobéissance à Allah سبحانه وتعالى؟ عيش اليوم على ما تريد أن تموت. Vis aujourd'hui sur ce quoi tu veux mourir. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. Demande-toi des comptes avant que des comptes ne te soient demandés. واعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. Et sache qu'Allah te bénisse que la première chose sur laquelle le serviteur aura des comptes à rendre au jour de la résurrection, c'est sa prière. Salawat al-khams. Wajibatun ala kulli muslim. Qui sont obligatoires pour tout musulman. Fa'in saluhat, faqad aflaha wa naja. Si elles sont bonnes, ces prières, il aura alors certes réussi et obtenu le succès. Il sera sauvé. Wa'in fasadat, in kana mudayyan li salatihi, wa tarikan laha, wa la yusalli illa al-jumu'a, wa fi ramadan, faqad khaba wa khasir. Mais si sa prière est mauvaise, s'il l'a négligée, s'il l'a délaissée, s'il ne priait que la prière du vendredi, ou s'il ne priait que pendant le mois de Ramadan, il aura alors certes perdu et échoué. صلى الله سبحانه وتعالى العافية. أول ما ستحاسب عليه الصلاة. فهل أنت من المحافظين عليها؟ Est-ce que tu es assidu à ta prière? هل أنت تؤديها في أوقاتها كما أمرك الله؟ Est-ce que tu les accomplis en leur temps comme Allah te l'a ordonné? إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. هل أنت ممن يؤخرها أو بل يتركها؟ Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui la retardent ou pire encore qui la délaissent? حسب نفسك يا عبد الله. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Il y a entre l'homme et la mécréance et le polythéisme le délaissement de la prière. وفي الحديث الآخر يقول فمن تركها فقد كفر. Et dans un autre hadith il dit celui qui la délaisse il a certes mécru. وترك الصلاة من أشد ما يعذب به أهل النار. Et le délaissement de la prière fait partie des choses les plus graves pour lesquelles seront châtiés les gens de l'enfer. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى حين سيخاطب أهل النار ويقال لهم ما سلككم في سقر. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au sujet des gens du feu qui seront interrogés, qu'est-ce qui vous a conduit à Saqar, un des noms parmi les noms de l'enfer? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Ils diront, nous ne faisions pas partie de ceux qui prient. لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَسَيَكُونُونَ فِي النَّارِ صلى الله العافية. فَهَلْ أَنْتَ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Ils diront, nous ne faisions pas partie de ceux qui prient. Ils seront donc en enfer en raison de leur délaissement de la prière. Donc, est-ce que toi, tu fais partie des prières? Al-anta min al-musallin. هل أنت تحافظ على الصلاة في أوقاتها؟ والله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة التي تسمعها كثيرا: فويل للمصلين. Est-ce que tu pries les prières en son temps alors que tu écoutes la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate que tu entends souvent? Malheur aux prières. Comment malheur aux prières? يصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ceux qui sont distraits de leur prière. مضيع لها يخرجونها عن وقتها. Ils la négligent. Ils la font sortir de leur temps. لعدم اهتمامهم بأمر الله تبارك وتعالى. والصلاة في وقتها هي من أفضل الأعمال. Alors que la prière en son temps fait partie des meilleures des œuvres. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكن يا عبد الله من الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et ne sois pas, Abdullah, de ceux au sujet desquels Allah a dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، يا عبد الله، إذا أردت أن تنجو من هذه الخسارة عليك أن تتوب من تضيع صلاتك. Serviteur d'Allah, si tu veux être sauvé de cette perdition, tu dois te repentir de cette négligence de ta prière. وعليك أن تحافظ عليها. Et tu dois y être assidu. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابُ. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. في الآية التي ذكرناها في آخر الخطبة الأولى يقول بعدها سبحانه وتعالى: إِلَّا مَنْ تَابُ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que nous avons cité à la fin du premier sermon, après avoir mentionné le châtiment de ceux qui délaissent la prière, il dit: sauf ceux qui se repentent, croient, accomplissent une bonne œuvre, ceux-là entreront au paradis et ils ne seront point lésés. Ikhwan al-kiram, inna min al-wasawis allati yulqiha shayatin al-jinn wal-ins ala kathir min an-nas wa khasatan ash-shabab annahum la yastati'un an yusallu إلا إذا أصلحوا أنفسهم وتركوا الذنوب جميعا. Mais bien, chers frères, il fait partie des ambiguïtés, des insufflations diaboliques que les démons parmi les djinns et les hommes suggèrent dans les cœurs de beaucoup de gens, et surtout chez les jeunes, qu'ils ne peuvent pas faire la prière tant qu'ils n'ont pas délaissé l'ensemble des péchés qu'ils ne se sont pas réformés. وهذه شبهة شيطانية. Et ceci est une ambiguïté diabolique. جعلت كثير من الشباب يترك الصلاة ويغرق نفسه في المعاصي. Cette ambiguïté a conduit beaucoup de jeunes à délaisser la prière et à se noyer dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Allah subhanahu wa ta'ala dit: la prière préserve de la turpitude et du blâmable. يعني بقولك تصلي سيزداد إيمانك. Lorsque tu vas prier, ta foi va augmenter. ستقوى رغبتك في الخير. Ton envie de faire le bien va augmenter. وستضعف رغبتك في الشر. Et ton désir de faire le mal va diminuer. فالصلاة هي التي ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. C'est la prière qui va te préserver des péchés et de la turpitude. والصلاة يستنير بها قلبك. La prière, elle va illuminer ton cœur. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَطَهَّرْ وَتَكُونْ سَبَبًا لِمَحْوِ ذُنُوبِكِ. Et elle sera une cause pour que tes péchés soient effacés. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه كما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a jour dit à ses compagnons, comme le rapporte Abu Huraira, qu'Allah l'agré: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يغتسل منه كل يوم خمس مرات اليق من درنه شيء. Il a dit: voyez-vous s'il y avait un fleuve qui coulait devant la porte de chacun d'entre vous ou de l'un d'entre vous et que cinq fois par jour il se lave dans ce fleuve, est-ce qu'il restera une saleté sur lui? قالوا لن يبقى من برمه شيء. Ils ont dit il ne restera aucune sainteté sur lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Ceci est l'exemple des cinq prières. Allah efface par celles-ci les péchés. فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على صلواتكم. Craignez Allah, serviteur d'Allah, et soyez assidus à vos prières كما أمركم ربكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus à vos prières et surtout la prière médiane, la prière de l'Asr, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.